les géants du web prévoient que la moitié des recherches sur mobile devraient se faire par commande vocale. Au début de l'an dernier, 40 millions d'Américains disposaient d'une enceinte connectée de type Google Home ou Alexa. Autant dire que ce vieux rêve de science-fiction domotique des années 60 est sur le point de se réaliser grâce au marché exponentiel des enceintes connectées, des assistants personnels et au progrès spectaculaire du traitement automatique du langage. Nous allons, dans un futur proche, finir par parler à notre maison, à notre téléphone, à notre monde, bref, à dialoguer au quotidien avec une intelligence artificielle, mais jusqu'à quelle limite d'intrusion dans notre vie privée ? Enceinte connectée, demain tous assistés, c'est le programme vocal qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de l'essor de ces technologies d'assistant vocal ou d'enceinte connectée, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Sylvain Perronnet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur scientifique du moteur de recherche Quant. Bonjour Frédéric Landrajan. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS au laboratoire langue, texte, traitement, informatique et cognition qui est rattaché à l'École normale supérieure et à Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Nous retrouverons notre doctorante du jour tout à l'heure, Clotilde Chevet. Bonjour. Bonjour. Un petit peu plus tôt que d'habitude pour participer plus largement au débat qui va nous occuper aujourd'hui. Vous le savez, vous pouvez nous suivre comme tous les jours en direct, en différé sur franceculture.fr ou en podcast via, eh bien, peut-être votre assistant personnel préféré, mais comme toujours en complément sur, en vous abonnant à notre fil Twitter @laméthodefc. Alors vous, qui êtes familier de l'émission, vous savez que nous débutons généralement par une archive qui fait état de l'évolution de nos connaissances et de la recherche scientifique sur le sujet du jour. Aujourd'hui, je voulais vous proposer quelque chose d'autre, une sorte de petite expérience participative et interactive amusante qui ne pourra malheureusement marcher que si vous nous écoutez sur un poste de radio ou sur haut-parleur, d'autant plus si vous nous écoutez en famille, ça peut être intéressant. Donc je vous laisse quelques temps pour tourner le volume, peut-être un peu plus fort que d'habitude, pour voir ce qui va se passer si vous êtes prêts et que je dis « Ok Google, ajoute la méthode scientifique à mes podcasts ». Normalement ça peut avoir une réponse, je peux tenter autre chose. « Dis Siri et pelle tabouret ». Tabouret, T-A-B-O-U-R-E-T. Réaction libre ? Sylvain Perronnet ? C'est une belle réussite, ça marche. Voilà. On va voir combien de personnes vont s'inscrire au podcast maintenant. C'était tout à fait l'objectif du jour. Frédéric Landrajan, un mot là-dessus. Tabouret, c'est un mot assez facile puisque il n'y a pas d'homonyme. Sur un mot qui s'écrit de plusieurs façons, ça marche comment ? C'est une bonne question. Vert, par exemple. Dis Siri, appelle vert. Juste pour confirmation, vous voulez appeler Anne-Pascale Veron ? Eh bien voilà, ça marche pas toujours très bien. Bonjour Anne-Pascale, si tu nous écoutes. Peut-être une réaction, Clotilde Chevet. Non, ce qui est intéressant, c'est de dire que là, j'ai placé mon téléphone près du micro, mais que mon téléphone était éteint. C'est-à-dire que je ne l'avais pas allumé, il était donc même pas en veille, il était éteint. Ça veut dire que nous sommes écoutés tout le temps, systématiquement ? Oui, 24 heures sur 24, mais heureusement, ça ne se déclenche pas en permanence pour appeler nos contacts, mais c'est un des risques. Ce qui serait intéressant, ce serait de savoir ce que ça a déclenché chez les auditeurs. N'hésitez pas à nous le dire. N'hésitez pas à partager avec nous sur notre fil Twitter, @laméthodefc, savoir si j'ai réussi à déclencher votre enceinte Google ou votre téléphone Apple. Non, c'est intéressant parce que finalement, conceptuellement, si on parle, Sylvain Perronnet, de trigger, de mots de réveil, mais ça veut tout de même dire que ces appareils nous écoutent tout le temps à la recherche de ces mots de réveil, mais qu'ils nous écoutent tout le temps. Tout à fait, ils écoutent tout le temps et ils gardent en mémoire les derniers mots qui ont été prononcés. Après, normalement, ils ne se mettent vraiment en action, ils ne commencent à, par exemple, enregistrer ce qu'on dit que si on voit apparaître certains patterns, peut-être des mots seuls, voilà, certains schémas, pardon, des mots seuls ou un groupe de mots bien choisi et qui va déclencher une action. Ce qui peut amener, et il y a eu une publication dans ce sens il y a peu de temps, à un certain nombre de problèmes d'activation involontaire, notamment avec l'un de ces appareils, l'assistant Alexa, qui en français, et je me retourne vers vous Frédéric Landrajan, est souvent confondu avec l'expression « avec ça ». Oui, pareil, oui. Alors moi, j'ai pas constaté, de toute façon, j'ai pas constaté. Mais c'était un peu aussi le même sens de ce que je voulais dire avec le mot « vert », c'est que la langue que l'on parle elle est bourrée de mots qui se ressemblent, qui se disent un peu de la même façon, et elle est pleine d'ambiguïté. Et ce qu'on attend d'un système, c'est qu'il soit capable de dire, bah là, j'ai vu une ambiguïté, est-ce que là, vous êtes en train de me réveiller avec Alexa, ou est-ce que vous êtes en train de parler et, à ce moment-là, je me tais et je continue. Aujourd'hui, très rapidement, parce qu'on va consacrer une grande partie de l'émission tout à l'heure à ces questions éthiques qui se posent et à l'utilisation et au mode d'utilisation de ce type d'appareil connecté, mais est-ce que vous pensez aujourd'hui, Sylvain Perronnet, qu'il y a des garde-fous suffisants? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, on peut imaginer qu'une entreprise qui écouterait en permanence, qui ferait finalement quelque chose comme de l'espionnage pour pouvoir mieux cibler ses propositions a posteriori, prendrait des risques énormes commercialement parlant et donc s'interdit de le faire pour éviter un jour un scandale. Ah, on peut imaginer effectivement qu'il y a une forme d'interdiction morale que les gens se fixent eux-mêmes, hein, mais après, en termes de garantie technique, il est pour l'instant impossible de réellement garantir quelque chose. Alors, il y a des tentatives qui sont faites, peut-être on en parlera plus tard, par exemple Amazon qui a son bouton pour interdire à l'enceinte de capter du son. Mais ce bouton, pour garantir qu'il est vraiment efficace, il faudrait qu'il soit totalement matériel, que les gens aient accès entièrement à la conception de l'appareil connecté pour le démonter, pour savoir comment il est fait, pour vérifier qu'il n'y a pas de logiciel qui pilote tout ça. Donc il y a un problème de garantir aux tiers comment ça fonctionne. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas du tout avoir confiance juste dans le simple fait d'appuyer sur un bouton pour dire maintenant je coupe le micro, donc tu ne m'écoutes plus? Alors ça, c'est ce qui se passe si les gens derrière ont fait les choses en toute honnêteté, bien sûr, mais on pourrait tout à fait imaginer que, par exemple, même au niveau de la conception, tout a été piraté et quelqu'un a introduit un switch logiciel qui empêche l'activation ou qui rajoute une activation supplémentaire, etc. Mais là, ça deviendrait, là on rentre dans le scénario de la malveillance, dans le scénario de la malice en tout cas. Tout à fait, et normalement c'est un scénario qui n'arrive pas. La question que je posais, c'est de dire, est-ce qu'il n'y a pas finalement dans ce scénario de malice de la part de ces géants, dont on sait qu'ils ne sont pas que des philanthropes, loin s'en faut, mais sans verser dans le schéma exact inverse ou dans l'exagération inverse, de dire que en cas de malice, si malice il y avait et si malice était découverte, le risque encouru est tellement grand que ils ne le prennent pas et que c'est ce risque-là qui nous protège d'une certaine manière espionnage trop vaste en fait. Tout à fait, oui, le risque commercial est énorme et donc on peut imaginer qu'ils vont l'éviter. Clotilde Chevet, qu'en pensez-vous ? Sans parler de malice ou de malveillance, je crois que le problème se situe aussi au niveau de l'ignorance de l'utilisateur. On le voit avec récemment, il y a eu la mise à jour d'un dispositif Google qui révélait qu'il y avait une caméra. Et en fait, c'est avec cette mise à jour que l'utilisateur a compris ce qu'il y avait dans le dispositif qui était présent chez lui. Tant que la fonctionnalité n'a pas été révélée par une mise à jour, on ne sait pas ce à quoi on fait face. Et c'est là que toute l'importance de la compréhension de ce qu'on a en face de nous est essentielle. C'est ce que nous allons tâcher de faire au cours de cette heure, de vous aider à mieux comprendre quelles sont ces machines qui nous écoutent dans nos téléphones ou dans vos maisons, vos appartements. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h10 sur France Culture, en ce mercredi 1er mai, nous parlons donc des enceintes connectées et des assistants vocaux en compagnie de Sylvain Perronnet et de Frédéric Landragin et de Clotilde Chevet qui est notre doctorante de la semaine et que nous allons écouter tout de suite dans le cadre de la recherche Montre en main. Voilà donc, bonjour à rebonjour Clotilde Chevet, vous êtes en quatrième année de thèse en sciences de l'information et de la communication dans le labo de recherche du CELSA, le GRIPIC, pour groupe de recherche interdisciplinaire, sur les processus d'information et de communication. Le titre de vos travaux, l'interaction homme-machine, un système d'écriture qui fait monde, c'est à vous, bienvenue donc dans la recherche Montre en main, on vous écoute. Merci beaucoup de votre invitation, je suis vraiment ravie de me prêter au fameux exercice, mais surtout challenge en vrai, de la recherche Montre en main. Je suis donc en quatrième année de thèse, comme vous l'avez dit, en sciences de l'information et de la communication, et je travaille sur les assistants personnels numériques, Siri, Cortana, Alexa, l'assistant Google, et aussi sur quelques chatbots vocaux, comme l'application Replica. Alors la particularité de mon approche, c'est qu'alors même que ces objets sont vocaux et que les interfaces graphiques disparaissent, j'étudie dans ma thèse le système d'écriture de l'interaction homme-machine. En fait, je considère ces objets, les assistants personnels, comme des êtres de langage partagés entre code informatique et langage naturel humain. et je m'intéresse aux caractéristiques de ce système d'écriture. Son geste, qui finalement est un geste vocal, puisque l'on parle à la machine, ses signes, son support, les acteurs qui mobilisent cette écriture et les enjeux de pouvoir derrière. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'anthropologiquement, on a plusieurs choses qui se jouent dans l'écriture. Le rapport à soi, puisqu'elle permet de s'exprimer et de laisser une trace. Le rapport à l'autre, puisqu'elle permet de communiquer et de nouer une relation. Et enfin le rapport au monde, puisqu'elle permet de le dire et de l'organiser. J'essaie d'explorer ces trois niveaux de l'écriture, de l'interaction homme-machine dans ma thèse. Donc tout d'abord, le rapport à soi et la façon d'écrire dans ce système. Quel geste d'écriture la machine permet-elle à l'humain? Qu'est-ce qu'elle lui permet d'exprimer? J'essaie de voir dans quelle mesure l'humain et la machine peuvent se retrouver au sein d'un même système. C'est un questionnement qu'a notamment le philosophe et physicien Alexei Greenbaum dans son livre qui a un très joli titre, La mécanique des étreintes, quand il se demande comment est-ce qu'on peut prendre deux entités quasiment opposées et les traiter comme une seule. Dans mon cas, j'essaye de voir comment l'homme et la machine peuvent être étudiés au sein d'un même système d'écriture. Ou plus concrètement, qu'est-ce que l'humain doit sacrifier de son expression pour parler à une machine? Dans quelle mesure il ne doit pas lui-même adopter une façon de parler un peu machinique? Et ensuite, j'étudie le rapport à l'autre, à la machine, c'est le niveau de la relation. J'étudie la façon dont on fait parler l'assistant personnel, les mots que l'on choisit pour lui, la personnalité qu'on lui donne. Et ça, c'est un travail d'écriture qui est effectué en amont par les concepteurs, par des dialoguistes ou des plumes pour robots. Et il crée vraiment une nouvelle fiction de l'interaction homme-machine, dans laquelle le robot n'est plus la figure menaçante de Terminator que l'on connaît tous, mais un compagnon. Il se pose alors la question de l'interlocuteur, que peut être un assistant personnel numérique, cet autre avec un grand A, ce sujet non humain, dont la place dans notre société pose encore de nombreuses questions éthiques. Et l'essentiel, c'est de comprendre que cette nouvelle fiction permet de nouer une relation de proximité, voire de confiance avec la machine. Et c'est ce nouvel ami, avec un milliard de guillemets, qui connaît énormément de choses sur vous, qui vous écoute 24 heures sur 24, qui va déterminer votre rapport au monde et à l'information. Et c'est là qu'on arrive au troisième et dernier temps de ma réflexion. Car ces objets, ne l'oublions pas, ils sont censés nous rendre des services, nous donner des informations. Ils sont intégrés dans une économie, un système de référencement et répondent à la logique de la réponse unique. Or, on est en train de plaquer un masque social sur une technologie et sur tout un écosystème où les enjeux d'information et de captation des données personnelles sont juste énormes. Et c'est pourquoi il est vraiment important pour moi de parler de système, non seulement technique mais aussi social, parce qu'un système, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de pratiques organisées en fonction d'un but. Et l'une des questions principales, c'est donc bien celle du but des industriels qui produisent ces objets. Alors en deux mots et pour conclure, il s'agit pour moi dans ma thèse de comprendre comment on automatise et modélise une relation avec une machine, un assistant personnel, par l'écriture, et comment, en l'industrialisant, on dessine un nouveau rapport au monde. Mais ça me paraît un excellent programme pour cette émission et pour cette heure de conversation. Merci beaucoup, Clotilde Chevet. Une réaction l'un et l'autre, puisque ça aborde évidemment des thèmes que vous avez représentés, Frédéric Landragin et Sylvain Perronnet, de manière distincte. Frédéric Landragin, sur le rapport à l'écrit, sur le rapport au langage aujourd'hui que suppose et que détermine ces entités informatiques. Si on revient un peu en arrière, à la base, quand on cherche une information, par exemple, quelle est la hauteur de la tour Eiffel, on utilise un moteur de recherche et on tape une série de mots-clés, tour Eiffel, hauteur, ça suffit, on a une réponse qu'on arrive à retrouver dans une page où il y a des résultats qui sont classés avec voilà, un algorithme, tout l'intérêt d'avoir mis en avant Siri et Cortana, c'était d'avoir une interface vocale aux informations qu'on peut trouver sur Internet. Donc le but, c'était vraiment de faire en sorte qu'un utilisateur humain va s'exprimer dans sa langue, dans sa langue parce qu'il la maîtrise. On parle de reconnaissance du langage naturel. Et donc va faire une phrase. Même si la machine va détecter une liste de mots-clés, tour Eiffel, hauteur, dans cette phrase. Mais si on arrive à un point où les humains, en fonction des résultats que donnent les assistants, vont se mettre à corriger leur phrase et à utiliser un langage qui n'est plus très, très naturel, mais qui ressemble à des listes de mots-clés avec un petit vernis autour, j'ai envie de dire, c'est qu'on a raté un peu quelque chose, quoi. Sylvain Perronnet, sur les travaux de Clotilde Chevet, et plus généralement sur, effectivement, on reviendra tout à l'heure, hein, sur cette question de la réponse unique, qui est effectivement l'un des vrais problèmes d'enjeux éthiques et économiques autour de ces assistants. Alors moi, je trouve que c'est des travaux qui ont l'air vraiment très, très intéressants. D'ailleurs, je vais regarder, hein, plus tard en rentrant chez moi. Ce qui est intéressant, c'est que ça met en avant certaines choses qui sont d'ailleurs des sujets de recherche plus génériques, hein, pour un moteur de recherche, sur les aspects normatifs, en fait, que le moteur a. Alors, la réponse unique, mais même un moteur qui a 10 réponses à proposer, qui sont vraiment lues, ou 3 ou 4, il y a ce côté de les réponses qu'on fournit, comment est-ce qu'elles sont fabriquées, comment est-ce qu'elles sont personnalisées. Problématique qui va intervenir aussi, je pense, pour des assistants vocaux, parce qu'un assistant vocal, il évolue dans une cellule qui est la cellule familiale, par exemple, et donc il y a une personnalisation qui se fait par rapport au goût de la famille ou des enfants. Les goûts des parents, c'est pas forcément les mêmes. Avoir un aspect vraiment ultra normé là-dessus. Les enfants vont être éduqués par cet appareil, finalement, qui va être plus présent que les parents, peut-être pour eux-mêmes, donc qui va leur apprendre à moitié à parler, à moitié à formuler leurs demandes. Là, on est un peu dans la projection. On est un peu dans les quelques années à venir. On n'est pas encore tout à fait là aujourd'hui, non? Alors moi, j'ai déjà vu des aspects comme ça avec des enfants qui manipulent un assistant vocal et qui sont pas forcément reconnus comme des enfants parce qu'ils ont par exemple un très bon niveau de langage, mais voilà, l'assistant vocal, il se rend pas compte qu'il a un enfant face à lui, et donc le discours qu'il tient, c'est pas tout à fait celui peut-être qu'il faudrait tenir. Je sais pas, hein, là, ça discute. Puis on voit aussi autre chose, c'est l'intervention de tout l'aspect statistique. En fait, l'assistant vocal, il calibre son comportement par rapport à des statistiques qui sont globalisées au niveau peut-être de régions géographiques ou plus généralement par rapport à des types de personnes, et on va voir qu'il va avoir un comportement différent potentiellement par rapport à des catégories de personnes qu'il a extrapolé de lui-même. La question, c'est comment est-ce que ces catégories de personnes sont extrapolées, quel est le type de réponse qu'on décide de donner. Et là aussi, il y a un aspect où on finalement va prendre le contrôle sur ce qu'on propose aux gens. Et les gens vont perdre le contrôle de ce qu'ils vont voir au profit de l'opérateur qui est derrière l'assistant vocal. J'aimerais qu'on revienne rapidement sur peut-être un peu de définition. Qu'est-ce qui fait, on peut rappeler rapidement, Clotilde Chevet, qu'est-ce qui fait la différence entre un assistant vocal et une enceinte connectée? Alors, c'est plutôt, à l'origine, on connaissait des assistants personnels, des assistants vocaux, mais dans les smartphones, et on avait une interface graphique. Déjà, en fait, un assistant vocal, c'est un assistant personnel, enceinte connectée, c'est un assistant personnel qui a été intégré dans ce petit objet absolument opaque dont on ne lit plus rien, à part certains qui sortent maintenant avec des écrans, mais c'est très récent. Donc, la différence, c'est juste qu'on ne peut plus lire et qu'on ne voit plus. C'est pour moi la principale différence. Sylvain Perronnet. Alors, il y a aussi une différence technique qui a une implication, c'est que la puissance de calcul est déportée. Dans une enceinte connectée, la puissance de calcul, elle n'est pas dans l'enceinte, elle est dans un data center qui est ailleurs dans le monde, hein, qui peut être n'importe où, qui va avoir une puissance de calcul qui est très largement supérieure à celle qu'on a dans un smartphone, par exemple. Il va y avoir des processeurs ou spécialisés ou des processeurs graphiques qui vont être là pour faire tourner un certain nombre d'algorithmes, on dit d'intelligence artificielle maintenant, mais d'apprentissage automatique pour essayer de mieux comprendre les réponses qu'il faut donner, etc. Donc, les données ne sont pas au même endroit. C'est-à-dire que dans un assistant vocal, le téléphone, enfin sur téléphone, on peut faire un peu de calcul sur le téléphone et le reste ailleurs. Sur une enceinte connectée, le calcul est forcément ailleurs. Et donc on a les données qui partent et qui sont réutilisées et qui reviennent plus tard. Donc il y a quand même une différence technique fondamentale. L'enceinte connectée est aussi plus active que le seul assistant vocal. Elle peut faire plus de choses, on peut lui demander plus de choses. Alors il y a plus de scénarios d'utilisation, mais je pense que je ne suis pas forcément le plus adapté pour répondre à ça. Frédéric Landragin. En fait, dans une enceinte, il y a deux interlocuteurs en un. Il y a cet assistant qui sert d'une interface par la voix pour faire des requêtes sur Internet, ou en tout cas sur une base de connaissances qui est gérée par Amazon ou Google dans leur serveur, leur data center. Donc ça, c'est exactement le cas de la hauteur de la tour Eiffel. En gros, c'est dès qu'on pose une question de culture générale, etc., on fait une requête et l'assistant décrypte un certain nombre de mots-clés et fait une recherche dans une base de connaissances. Qui est d'ailleurs relativement opaque, c'est-à-dire que si je demande, on imagine que ça n'est pas la même en fonction de la marque du constructeur. Oui, parce qu'il y a... On ne va pas chercher les informations au même endroit. Il y a un travail, je pense, assez énorme qu'ils ont fait pour qu'on n'interroge pas le web dans son ensemble, parce que sur le web, on trouve tout et son contraire, on trouve tout et n'importe quoi, on trouve des fake news, on trouve plein de bruit. Et donc, ils construisent des bases de connaissances, par exemple à partir de la Wikipédia pour ce qui concerne la culture de base. Enfin, de base, pas de base, parce que la Wikipédia, c'est assez énorme. Hein. Et si on pose une requête sur une recette de cuisine, c'est un site web qu'on peut imaginer... Comme étant ceux les plus fréquentés. Oui. Voilà. Bon. Et alors, le deuxième interlocuteur, il n'a pas grand-chose à voir, c'est quelqu'un qui va agir, donc qui va faire des actions. C'est exactement ce qui se passe quand on demande à l'enceinte de baisser le volume. Baisse le volume, c'est une action, c'est un ordre. Là, rien qu'avec ce mot-clé, baisser, volume, son, ou la liste de courses, puisqu'il gère des listes de courses, la lumière, si jamais on a un système domotique qui gère la lumière, etc. Enfin bref, tous ces mots-clés-là sont reconnus en tant que tels pour être liés à des actions. Et à ce moment-là, ça va vers un autre serveur qui peut être, du constructeur de la chaîne IFI, du système de lumière et autres. Et le but, dans ce cas-là, c'est d'exécuter une action pour satisfaire la demande de l'utilisateur. C'est pas de donner juste une réponse qui est une suite de mots, mais c'est de faire une action physique. D'avoir un agent agissant. Peut-être qu'on peut. Quelle est la technologie derrière, en fait, qui a rendu la démocratisation de ce type d'instrument possible qui veut répondre à ça? Frédéric Landrat, Sylvain Perronnet, ne vous battez pas. Frédéric Landrat pour commencer, puis Sylvain Perronnet et Clotilde Chevet. En fait, à mon avis, c'est devenu possible à partir du moment où les machines ont été capables de reconnaître automatiquement la parole humaine. La reconnaissance automatique de la parole, c'est un problème de recherche. Le TAL, le traitement automatique du langage. Alors, le TAL, c'est encore plus que ça, parce qu'il y a aussi des aspects de compréhension automatique, et là, on n'y est pas encore. Là, je parle juste de parole, juste arriver à transcrire un signal de son en une chaîne de caractères, c'est-à-dire une suite de mots à l'écrit, parce que une chaîne de tel type, c'est très facile à gérer après, à concaténer, à envoyer vers un moteur de recherche, et ainsi de suite. Et la reconnaissance de la parole, c'est un domaine de recherche qui est actif depuis plus d'un demi-siècle, même plus. C'est quasiment concomitant avec la naissance de l'informatique. Le rêve de supprimer le clavier. Et même avant, en plus, mais c'est aléatoire. Enfin bon. Et en gros, c'est très performant depuis une quinzaine d'années, on va dire. Et comme ça devient performant, on peut essayer de l'utiliser dans des applications industrielles. Et c'est ce qui a été le cas, je pense. Clotilde Chevet, sur la technologie derrière, sur ce qui rend cette technologie possible. Alors, très clairement, c'est l'histoire de la reconnaissance de la parole, en effet, mais je pense qu'on peut y rajouter l'histoire des chatbots, parce que les deux se croisent dans ces technologies et dans les assistants personnels. Donc là aussi, ça remonte à il y a très très longtemps, avec toutes les expériences de Turing, de Joseph Eisenbaum, c'était 64 sur Elisa. Rappelez ce que c'est qu'Elisa, c'est Elisa, intéressant. C'était un des premiers chatbots qui prenait pour modèle un psychiatre. C'était un psychanalyste. Et en fait, c'était très simple. Il s'était demandé quel modèle de conversation on pouvait mettre en place pour donner l'air intelligent à la machine sans qu'elle le soit. Donc avec des réponses toutes simples du genre « dites-moi plus » ou voilà. Mais c'était le premier modèle de chatbot où on se disait qu'il allait remporter le test de Turing. Donc c'est une histoire à croiser en plus de celle de la reconnaissance de la parole pour moi. Avec ensuite Watson pour IBM. On va vous remettre le lien vers les chatbots, vers l'émission qu'on avait consacrée aux chatbots. Sylvain Perronnet, toujours autour de cette technologie derrière la reconnaissance du langage, mais pas uniquement. Il n'y a pas que la reconnaissance du langage, il y a aussi la capacité à interroger de nombreuses bases de données, la capacité de calcul et la rapidité de la transition de l'information. Et puis derrière, il y a aussi de l'intelligence artificielle, du machine learning qui permet d'affiner à chaque fois un peu plus la connaissance, le filtrage, le ciblage. C'est ça. Alors, comme le calcul est largement déporté sur des data centers qui sont extérieurs à l'enceinte connectée ou au téléphone, quand c'est un assistant sur téléphone, naturellement, la qualité du réseau fait beaucoup. Et plus les réseaux ont évolué, alors des réseaux sans fil ou avec fil, peu importe, mais plus la qualité des réseaux a évolué, plus on a rendu possible une interaction rapide et naturelle avec les assistants. Et puis derrière, il y a toute une évolution concomitante à la fois algorithmique et technique pure et dure pour tout ce qui est la prise de décision, choisir la meilleure réponse, typiquement, accéder très rapidement à une base de données. Et là, il y a quand même une rupture dans les années, entre 2008 et 2010, dans ces eaux-là, avec le renouveau des méthodes à base de réseaux de neurones et en même temps un renouveau qui est dû grâce à l'émergence de nouvelles technologies, principalement basées sur des processeurs graphiques à l'origine, ce qu'on appelle des GPU, Graphic Processing Unit. avec une marque ou deux qui ont le vent en poupe. Je sais pas si j'ai le droit de dire les marques, Nvidia notamment, qui est vraiment le leader mondial qui a fait ça. Des cartes graphiques. Des cartes graphiques qui a d'abord servi à faire du jeu vidéo, puis en fait ont servi ensuite à faire de l'intelligence artificielle. Et avec maintenant au point d'orgue un des opérateurs comme Google qui crée leur propre processeur pour faire de l'intelligence artificielle, basé sur les mêmes méthodes de calcul que les processeurs graphiques et qui rendent les choses vraiment faisables de manière très efficace. Alors par exemple, pour prendre un exemple très concret, je rentre chez moi et je dis ok Google, allume la lumière, qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors ça va dépendre de mais sur une réponse aussi simple, là, peut-être que c'est fait entièrement en interne sur le device, donc c'est difficile à dire, mais disons qu'une une requête un peu sur plus compliquée... Le device, c'est l'appareil. L'appareil, oui, pardon. Vous inquiétez pas. Disons une requête plus compliquée qui consiste à dire quel est le programme TV de la soirée ou qu'est-ce qu'il y a sur France Culture à telle heure. Donc là, il faut faire un accès plus compliqué à une base de données. Donc là, ça va être envoyé dans un data center, ça va être enregistré parce que vous avez dit le mot-clé. Ensuite, il va y avoir un certain nombre d'algo de ce qu'on appelle du speech-to-text, donc de la parole vers le texte, qui vont transformer la parole en une suite d'écrits. Ces écrits qui sont de la langue parlée vont être reformulés sous forme de langue écrite. Ensuite, il va y avoir un algorithme type moteur de recherche standard, qui va essayer de trouver les meilleurs résultats et qui va arbitrer quel est le meilleur résultat qui vous convient. Et puis, ça va être retransformé en parole. Donc ça, c'est un arbre de décision, classique. On peut simplifier, mais oui, c'est une forme d'arbre de décision, tout à fait. C'est assez classique, mais c'est rendu opérationnel à très grande échelle grâce à une grosse chaîne de traitement. Je pense que pour le premier exemple d'allumer la lampe, là c'est peut-être un peu plus fin dans la compréhension automatique, c'est-à-dire que le système va essayer d'identifier une action et un objet où l'action va s'appliquer, donc en gros le prédicat, le verbe et son objet direct, allume et lampe. Et il lui faut, je pense, ces deux éléments-là pour se dire, bon bah voilà, là ok, j'ai les paramètres d'une action que je vais donc essayer d'exécuter. On reviendra sur les troubles encore qu'il peut y avoir sur la polysémie et sur, comme on l'a vu tout à l'heure quand je lui demande des plaies verts et qu'il veut appeler une amie à moi. La question en fait surtout qui sous-tend toutes ces technologies-là, qui est un vieux rêve des débuts de l'informatique, c'est la disparition d'interface. C'est-à-dire qu'on veut arrêter et enlever toute forme d'interface entre nous et le réseau au sens large du terme, Sylvain Perronnet. Oui, c'est vraiment l'objectif qui est sous-jacent à tous ces appareils. Après, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est par exemple plus efficace? En vérité, la plupart du temps, c'est beaucoup plus efficace d'avoir une interface plus complexe que les gens apprennent à utiliser. Là, la question, c'est une interface qui est 100% naturelle. Est-ce qu'on peut la mettre en place et est-ce qu'elle peut nous comprendre? Et donc, est-ce qu'on peut avoir l'assistant au sens premier du terme? C'est comme si on appelait un ami au téléphone pour lui poser des questions. C'est l'objectif. Je pense que c'est plutôt Clotilde qui pourrait en parler plus que moi là-dessus, mais Clotilde Chevet. Sur la disparition de l'interface graphique. Oui, sur la disparition de l'interface graphique ou de l'interface tout court, c'est-à-dire de se dire que finalement ces assistants vocaux court. Aujourd'hui ils sont sur des petites boîtes ou sur nos téléphones très vite, et on voit bien que c'est le sens des constructeurs, ils vont vouloir les mettre directement dans nos écouteurs ou dans nos lunettes, ou en tout cas vraiment faire en sorte que d'un seul coup tous les choix nous viennent automatiquement, qu'ils nous aient proposé, répondu, sans qu'il n'y ait plus presque de sélection à faire de notre part, et on va arriver à la réponse unique dans un instant. Bah, je pense que c'est un rêve qui est très très ancien, qui date pas du tout de l'informatique, pas du numérique. J'ai découvert il y a pas longtemps que le mot télépathie était à l'origine du mot télécommunication. Et en fait, quand on a voulu créer des dispositifs pour communiquer à distance, on avait vraiment en tête la télépathie. C'est à cette époque-là aussi que se sont développées pas mal de séances de sciences occultes. Enfin, il y a ce rêve de communiquer à distance sans le moindre équipement, sans la moindre interface. Et sans Yuri Geller. Pardon. Notamment. C'est mes références un peu. Mais donc, c'est un rêve très, très ancien et qui pose problème aujourd'hui en termes éthiques et tout simplement en termes d'efficacité. C'est vrai, on voit maintenant pour payer, on a besoin de devoir revenir les interfaces graphiques. On peut difficilement se passer d'un écran. Donc c'est un rêve, mais qui n'est pas très pratique finalement. On va examiner toutes ces questions, et notamment celles qui sont liées à la réponse unique. J'aimerais juste encore deux, trois petites questions concrètes. On parlait tout à l'heure de la distinction des membres de la famille. Aujourd'hui, les enceintes connectées peuvent savoir qui leur parle dans la famille, si c'est papa, si c'est maman, si c'est les enfants, si c'est la femme de ménage, si c'est la maîtresse. Savoir qui parle, oui, avec une petite phase d'apprentissage. Par contre, savoir qui est présent dans la pièce, ça, c'est plus difficile. Parce que c'est deux problèmes distincts. Donc, savoir à qui on s'adresse quand une personne pose la question, oui, ça, c'est faisable. C'est pas si difficile que Est-ce ça. Est-ce que c'est fait? Est-ce que ce sont des systèmes de reconnaissance vocale qui sont mis en place aujourd'hui? Oui, c'est fait, ça. C'est sans difficulté, en fait. Par contre, vraiment savoir que par exemple un tel et un tel est dans la pièce en même temps qu'une autre personne, et donc typiquement quelqu'un qui dit je veux réserver pour ce soir au restaurant, voilà, est-ce que l'assistant vocal peut savoir combien il y a de personnes dans la pièce et extrapoler et trouver un restaurant qui est adapté au nombre de personnes et au type de public? Ça pour l'instant ça paraît beaucoup plus prospectif. Mmh. Ça veut dire qu'aujourd'hui sur des enceintes connectées la personnalisation est le ciblage est fait en fonction des individus, ou est-ce qu'à ce moment-là le nombre de personnes, les gens, les conjoints, les enfants sont considérés comme une seule entité avec des préférences collectives en quelque sorte? Clotilde Chevet. Ça dépend du choix des utilisateurs. En fait, on peut avoir un assistant familial qui sera le même pour tous, ou un assistant personnalisé qui va reconnaître la voix. C'est un choix et c'est quelque chose qui est amené à se développer parce qu'on a tendance maintenant à attendre, pourquoi pas, que son assistant personnel soit dans une voiture connectée un jour, que ce soit le même avec nos préférences, qui soit personnalisé selon nos goûts. Et surtout, dans un contexte familial aussi, on va avoir tendance à demander à l'assistant de reconnaître son interlocuteur, en particulier pour les enfants. Et avec tous les modes spéciaux enfants qui se développent, le pretty please pour les obliger à être polis, pour... Vous pouvez expliquer ce que c'est que ça, c'est intéressant. Le mode pretty please, ça oblige l'enfant à dire s'il te plaît à l'assistant vocal pour qu'il y ait une réponse à sa requête. Et ça montre toute l'inquiétude des parents, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, d'enfants qui commencent à être éduqués avec ces objets à leur côté. Et on parle même de bébés dont les premiers mots seraient Alexa, par exemple. Enfin, ça va assez loin et surtout, ça pose d'énormes questions en termes d'éducation, parce que est-ce qu'on veut que l'enfant fasse la distinction entre un homme et une machine, ou est-ce que l'on veut qu'il... et donc qu'il apprenne à parler sur un mode non impératif en disant s'il te plaît, ou est-ce qu'on veut qu'il reconnaisse que la machine en face de lui est une machine et ne mérite pas qu'on lui dise s'il te plaît? Ça pose d'énormes questions, mais qui sont en ce moment intégrées dans les assistants personnels. Et une autre question aussi sur la consommation énergétique de ces appareils, puisque il faut aller chercher de la requête dans les data centers, hein, on l'a dit, les informations font des allers-retours, la voix, ça n'est pas du texte, ce sont des données qui sont certes pas aussi grosses que de la vidéo, mais ce sont des données qui pèsent leur poids, donc qui dit poids dit énergie dépensée. Est-il vrai aujourd'hui, Sylvain Perronnet, que quand je rentre chez moi et que je dis « Ok, Google, allume la lumière », de facto, pour allumer ma lumière, mais ces informations-là vont transiter à travers la moitié de la planète. Oui, ça va transiter jusqu'à certains data centers qui peuvent être un peu partout dans le monde, et puis même ça va être enregistré, donc ça va prendre de la puissance de stockage, etc. Donc ça va coûter très très cher, et ça va coûter infiniment plus cher que d'appuyer sur le bouton, c'est sûr. The Girl and the Robot du groupe Royxop dans la méthode scientifique et sur France Culture à 16h35. Puis c'est ce dont il est question aujourd'hui, ces assistants personnels, ces enceintes connectées qui ont envahi nos vies, nos appartements, nos maisons, nos intérieurs, qui changent notre rapport au réseau, à l'informatique, à l'intelligence artificielle. Nous en parlons avec Sylvain Perronnet, qui est directeur scientifique du moteur de recherche Quant, avec Frédéric Landragin, qui est directeur de recherche CNRS au laboratoire Langue, Texte, Traitement Informatique et cognition rattachée à l'ENS et à Paris 3 Sorbonne Nouvelle, et avec Clotilde Chevet, qui est doctorante en sciences de l'information et de la communication dans le labo de recherche du CELSA. Alors, on l'a dit dans cette première partie, le traitement automatique du langage a fait d'énormes progrès. Il ne se contente plus de comprendre les mots, il prend aussi au compte les silences notamment. Bonjour Tommy Mdenstock. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu à Télécom Paris Tech, où l'on étudie comment les humains se répartissent la parole et comment notamment ils closent une conversation. J'ai rencontré Chloé Clavel, chercheuse et enseignante en informatique affective, et le sociologue Nicolas Rollet. Ils travaillent en équipe pour analyser comment nous autres êtres humains nous désengageons d'une conversation et comment la parole se distribue dans nos échanges. À travers des enregistrements d'interactions homme-robot, ils m'ont montré quelques exemples de la façon dont on indique à l'autre qu'on s'apprête à partir. L'objectif du protocole, c'est de récolter des données et de les systématiser pour que les robots comprennent quand la conversation s'éternise et apprennent à dire au revoir. Pour manger près d'ici. Au self-service. Je dois y aller. À bientôt. Dans cet extrait-là, ce qui est intéressant, c'est que la personne commence par répondre à la question du robot. Donc elle s'aligne sur l'activité du robot, elle répond à sa question. Et une fois qu'elle a répondu à sa question, c'est-à-dire une fois qu'elle a clôturé une séquence de questions-réponses, elle initie une nouvelle séquence, qui est une séquence de clôture, qui est constituée d'un tour de pré-clôture, puis d'une salutation. Non seulement il produit un tour de type « je dois y aller », mais en plus il laisse des espaces. Et là, ça devient encore plus intéressant, c'est-à-dire que non seulement il y a cette pratique de préalable à la clôture, donc « je dois y aller », mais en plus il laisse un temps de pause qui est en fait un slot séquentiel pour le robot, pour lui donner une occasion de répondre. Alors en l'occurrence, le robot ne répond pas, justement parce qu'il ne détecte pas que c'est une pré-clôture. Mais on a repéré que chez les humains, il y a cette orientation vraiment fondamentale sur la séquentialité dans l'échange, qui fait qu'on prend des espaces pour parler et on laisse des espaces à l'autre pour qu'il puisse répondre. On retrouve une problématique commune avec une interaction avec une enceinte connectée, c'est la question de la séquentialité dans la conversation. Et en fait, là, il n'y a pas besoin de corps pour avoir de la séquentialité. La preuve en est, c'est qu'on la retrouve dans les interactions en chat, on les retrouve dans les interactions au téléphone, et donc avec une enceinte connectée, on la retrouve tout à fait. Donc le travail qu'on essaie de mettre en place, c'est déjà d'essayer de repérer toutes ces pratiques-là des personnes, de ces conduites préclôturantes, et d'essayer de trouver un moyen de les modéliser ensuite par apprentissage, pour que à terme une IA soit capable de détecter ces comportements-là. Et quel type de données est-ce qu'il aura pris en compte maintenant et que vous pouvez utiliser justement pour mesurer l'engagement dans une conversation ? Le système qu'on a développé sur ces données, donc il va analyser à la fois le contenu linguistique de ce qui est dit, le contenu sémantique, donc à travers la transcription de la parole, donc ce qui est dit est transcrit. Ensuite, sur la prosodie, le signal de parole est analysé pour extraire des informations sur la hauteur de la voix, le débit de parole, la durée des pauses, le nombre de disfluences qui pourrait y avoir, donc d'hésitation qui pourrait y avoir de la part de l'utilisateur. Peux-tu me dire quel est le meilleur endroit pour manger près d'ici? Ah, il faut aller à la cantine du 7e. C'est tout près. Ici à la cantine, au restaurant de l'école. C'est très bon. Tu peux y aller si tu veux. As-tu compris? Ah, tu es tout bloqué? Allô? Il y a quelqu'un? Oh oh. Ça y est, j'ai fini mon explication. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Non. Tu peux répéter, s'il te plaît? Ah, ouais. Écoute, tu as l'air bien fatigué. Je vais te laisser faire ta sieste. Ça ira mieux après. Au revoir. Qu'est-ce qu'on a entendu là et qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce que le robot n'a pas compris apparemment ? Et il n'y a aucun signe du fait que la réponse de l'humain est traitée par le robot. Donc l'humain, il recycle le cadre séquentiel dans lequel il était. C'est-à-dire, il recycle le format question-réponse. Et ce qu'il recycle, c'est une demande d'accusé de réception de la réponse qu'il a produite. Et donc là, il va produire un tour qui est intéressant, qui est aussi une forme de préclôture, qui est en tout cas une jonction d'activité très claire, qui généralement aboutit au fait de partir. Typiquement, quand vous téléphonez à quelqu'un le soir et que vous lui dites « Bon, écoute, je te laisse te recoucher », c'est vraiment l'occasion qui va lancer ensuite la clôture de la conversation. Et là, c'est ce qu'il fait, en fait. Justement, sur ce type de données, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il peut y avoir un grand panel de situations qui peut arriver. Et l'idée, c'est que le robot derrière, il puisse essayer d'appréhender, de comprendre ces différents panels. Mais pourtant, les méthodes derrière de machine learning qui vont fonctionner, elles vont avoir un certain a priori sur le type d'information que l'utilisateur va fournir au robot. Du coup, on est obligé d'extraire toutes sortes d'informations, tout un panel d'informations et de voir celles qui, finalement, vont s'avérer les plus pertinentes d'un point de vue statistique sur l'ensemble de nos données, sur l'ensemble de notre corpus, pour avoir un système derrière qui puisse fonctionner sur des personnes différentes, dans des situations différentes. Donc l'extrait qu'on peut voir, c'est donc on a une personne qui essaye à tout prix de clôturer l'activité ou l'échange avec le robot par divers moyens, notamment en essayant de lui serrer la main. Bon, alors ça marche pas. Elle va s'éloigner du robot et elle va dire au revoir en laissant cet espace interactionnel disponible pour le robot pour répondre. Et là, le robot va répondre au revoir de l'humain en disant salut. Et on va voir que ça va produire une grande satisfaction chez l'humain qui va produire ce qu'on appelle un post-mortem en interaction, c'est-à-dire une espèce de troisième tour qui vient entériner l'existence de la séquence précédente. Et puis ensuite, elle va remercier le robot qui, là aussi, concourt au fait qu'il y a quelque chose de particulièrement extraordinaire qui s'est accompli dans l'interaction, qui est en fait quelque chose de très ordinaire, c'est-à-dire accomplir une séquence de clôture. Tu peux me serrer la main ? Non ? Au revoir ? Salut. À bientôt. Et merci. Voilà, votre réaction aux uns et aux autres à ce reportage et à cette compréhension plus fine des codes du langage entre êtres humains, Clotilde Chevet. Peut-être un mot, non pas sur la compréhension, mais c'est toujours très intéressant de voir le choix de clôturer une conversation, de quelle façon. Et se dire qu'en fait, ça n'était pas naturel de clôturer une conversation en disant « à bientôt » ou « salut ». Et ça m'a fait penser, en écoutant ça, au tout début, à la première version de Siri, où quand on disait « quitter », c'était encore un réflexe qu'on avait, un peu comme appuyer sur un bouton, mais avec un mot, l'assistant répondait « est-ce que j'ai dit quelque chose de mal ? Vous pourriez au moins dire au revoir ». Donc en fait, ça, c'était la toute première version de Siri, et ça montre que ça n'était pas intégré de dire « au revoir ». Un objet, ce qui était normal. Et maintenant, c'est quelque chose qu'on travaille, le « à bientôt », le « salut », comment on clôture une conversation, comment un humain le fait, et donc comment la machine doit y répondre le mieux possible. Frédéric Landragin, en un mot. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est d'entendre parler de prosodie, de sémantique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à envisager la compréhension par la machine, on s'aperçoit qu'elle recouvre énormément de facettes de la linguistique, que la prosodie, donc voilà, comme Chloé en a parlé, c'est pas facile à décoder automatiquement et je pense pas qu'elle soit décodée dans les enceintes actuelles. C'est des projets de recherche pour les décennies à venir, quoi. Et puis la prosodie, la syntaxe, le fait qu'une phrase a un verbe, un complément et tout ça, ça donne aussi des indications sur quand on peut interrompre. Et la sémantique, tout ce qui est lié au sens. Il y a plein de choses à faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans les réponses, parce qu'on a un peu joué avec l'assistant vocal de mon téléphone, notamment en préparant cette émission, on voit qu'il y a de la prosodie implémentée aujourd'hui dans ces assistants. Par exemple, quand on lui dit des grossièretés, il ne dit pas « pardon » d'un ton autre, il dit « pardon ». C'est-à-dire qu'il y a un ton, il y a une intonation qui va dans le sens, et j'aimerais vous entendre là-dessus, Sylvain Perronnet, le sens de ce qu'on appelle une recherche d'empathie du robot, de la voix, de la réponse, dans le sens d'une anthropisation de ces opérateurs. Oui, là, l'objectif, il est clairement de créer une relation avec l'être humain, principalement aussi pour récolter de l'information sur sa satisfaction ou pas, et savoir si, quand on dit un mot grossier, est-ce que c'est parce qu'on le dit tout le temps, il y a certains mots grossiers qui sont utilisés comme ça, ou est-ce que c'est parce qu'il y a une vraie insatisfaction, une vraie colère. Et donc, c'est d'essayer de créer une nouvelle interaction, de provoquer une nouvelle réaction supplémentaire pour être capable de qualifier la relation. Ça se voit beaucoup dans le dernier exemple, là aussi, avec le merci à la fin. On a une vraie boucle de rétroaction en apprentissage, c'est très important pour savoir si l'algorithme a pris une bonne décision, une mauvaise décision. Et en fait, tout ça, ça va dans le sens d'essayer de mieux comprendre ce que veut l'être humain, en fait, et de personnaliser au fur et à mesure les résultats. D'être capable d'interpréter des intonations. Tout à fait, pour savoir si oui ou non il est satisfait. Aujourd'hui, Clotilde Chevel, l'interprétation des intonations, la colère, le contentement, ça fait partie des données qui sont récoltées par ces assistants, par ces instruments ? Pas partout, c'est en tout cas, c'est en travail, c'est le but, c'est vraiment l'intelligence émotionnelle dans la machine. Alors ça ne veut pas dire du tout la même chose que pour un être humain, on ne parle pas de gestion de ses propres émotions par la machine, qui n'a pas d'émotion, mais l'intelligence émotionnelle pour la machine, c'est reconnaître toutes ces émotions-là, et effectivement, dans le but de mesurer sa satisfaction, de mesurer un certain mécontentement pour pourquoi pas passer la main à l'humain dans le cas de dispositifs hybrides où on voit que la machine ne fait pas le travail, et ça se détecte grâce à la prosodie en particulier. Il y a une question qu'on n'a pas abordée encore, c'est ce qu'on va aborder dans le dernier quart d'heure qui nous reste, ce sont les limites, et notamment les limites éthiques de ces dispositifs. Ces informations qui sont recueillies, qui sont stockées dans des data centers, qui a accès ? Est-ce qu'elles sont stockées à l'infini ? Quand je demande à mon assistant de me guider vers tel endroit ou de me donner la séance de cinéma la plus proche dans ces enceintes connectées, qu'est-ce qu'elles deviennent, ces informations, Sylvain Perronnet ? C'est extrêmement flou. Donc on sait qu'elles sont stockées, on sait que pour le cas de l'audio, ça va être écouté dans le cadre de l'amélioration des services, mais plus généralement... Écouté par des êtres humains, tout à fait. La plupart des conditions générales d'utilisation et de vente sont assez floues et laissent entendre que ça peut être réutilisé dans d'autres contextes. Je crois que c'est Soshana Zuboff, dans son livre sur le capitalisme de surveillance, elle en parle en disant que les données qu'on donne en fait peuvent être réutilisées plus tard pour d'autres choses, en fait. Et donc là-dessus, c'est assez mystérieux. Elles peuvent être utilisées à tout moment parce qu'elles ne nous appartiennent plus une fois que c'est parti sur les data centers de l'opérateur. Elles ne nous appartiennent plus et on a donné notre accord, vu qu'on a acheté et qu'on a accepté les CGV. Voilà. Que dit Chevel ? C'est une vraie question. Où est-ce qu'elles sont stockées ? Ce qu'elles deviennent et le qui y a accès ? On parlait à l'instant des humains qui peuvent lire justement pour corriger, pour dresser l'intelligence artificielle. C'est un des mots qu'on emploie. Et c'est tous ces turcs de l'intelligence artificielle, des travailleurs absolument sous-payés, qui vont relire des conversations entières, plus ou moins anonymisées. Et donc en fait, toutes nos conversations ne sont pas juste analysées par des machines au-delà de l'océan. C'est vraiment relu par des personnes qui ont accès à notre vie privée directement. La Quadrature du Net, d'ailleurs, a recueilli le témoignage d'une ancienne employée, d'un sous-traitant de Microsoft qui travaillait à l'américaine de Cortana et qui explique, on va vous mettre le lien sur le fil Twitter @laméthodefc, qui explique qu'elle avait effectivement accès aux requêtes de tout et n'importe qui sans aucune forme d'anonymisation et que c'était effectivement un témoignage assez éloquent. J'aimerais qu'on parle aussi d'un problème qui est peut-être le problème majeur, c'est-à-dire de l'enfermement économique dans lequel nous plongent ces assistants avec ce qu'on appelle la réponse unique. Alors concrètement, Sylvain Perronnet, c'est quoi la réponse unique ? Alors, de quoi on parle ? La réponse unique, c'est le fait que quand on pose une question à l'assistant, il ne nous donne qu'une seule réponse, la réponse unique, alors que par exemple, si on prend un moteur de recherche, il va fournir 3, 4, 5, 10 sites web qui peuvent répondre potentiellement à la question. En même temps, si je dis à mon téléphone ou à mon assistant « je veux partir, quel est le trajet le plus court jusqu'à la maison de la radio ?», la réponse unique, ça ne me gêne pas tellement. Alors vous, elle ne vous gêne pas, elle peut gêner les opérateurs qui fournissent la réponse parce que ça veut dire qu'il y a un arbitrage économique qui est fait. Si on dit plutôt à un assistant Amazon « achète-moi de la lessive », il va acheter une lessive, laquelle ? Ça a un impact sur les fabricants de lessive directement. Il y a ça. Et puis la réponse unique, c'est un problème pour des requêtes qui sont beaucoup plus... un peu flou. Par exemple, si on est aujourd'hui le 1er mai, il y a des manifestations. Si à la fin de la journée, je demande à mon assistant « est-ce que les manifestations sont bien passées ?» qu'est-ce que ça veut dire? Et si l'assistante dit oui, c'est très clairement qu'il prend un choix politique, peut-être. S'il dit non, c'est qu'il en prend un autre. Comment il décide? Est-ce qu'il décide par rapport au profil qu'il estime que j'ai? Est-ce qu'il décide par rapport au profil de toute ma famille, etc.? Donc là, se pose une question très complexe. Et est-ce que, concrètement, Clotilde Chevet ou Frédéric Landragin, d'ailleurs, ces questions-là, est-ce que le 1er mai s'est bien passé? Ce sont des questions que l'on pose vraiment à son assistant. Est-ce qu'on doit attendre de notre assistant qu'il puisse nous fournir de ce type de réponse à des questions qui sont, somme toute, des questions volontairement ambiguës? On posera peut-être pas la question « Est-ce que le 1er mai s'est bien passé ?» mais en tout cas, on posera la question « Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ?» et on aura un flash d'actualité qui aura choisi la source de ces informations. Quand vous parliez d'enfermement économique, il est évident, mais c'est aussi un enfermement politique, culturel. Le problème de la réponse unique, il se pose sur des questions ambiguës, effectivement, est-ce que ça s'est bien passé, mais aussi des questions très, très simples. La question « Combien de pays il y a dans le monde ?» Aujourd'hui, Alexa et l'assistant Google donnent des réponses différentes. Parce que le Soudan du Sud, parce que le Kosovo. Parce que Alexa dit le monde compte 192 pays reconnus, sans préciser par qui, pourquoi, comment. Tandis que l'assistant Google dira, selon InfoPlease, il y a aujourd'hui 196 pays dans le monde. Donc, quelle est la source? Quel est le positionnement politique? Est-ce qu'on on a comme référence l'ONU ou pas? Donc, c'est un enfermement économique. Amazon renvoie vers ses produits, mais culturel et politique également. Frédéric Landragin. Ouais, je pense que quand on tapait dans Google, effectivement, on ne va pas taper « Est-ce que ça s'est bien passé le 1er mai ?» À partir du moment où on parle par sa voix et qu'on a une machine que l'on envisage comme un interlocuteur valable, ça devient envisageable. Donc peut-être que de plus en plus, oui, on va poser ce genre de questions aux machines. Ce que vous voulez dire, c'est que la disparition de l'interface, l'anthropisation, tout ce dont on a parlé, ça pousse à avoir avec la machine un rapport relationnel, un rapport langagier même différent. On ne parle pas de la même façon qu'on interroge un moteur de recherche avec un clavier. Ben, je pense, oui, parce que la parole est spontanée, elle est immédiate, elle est rapide, donc ça tend à, voilà, on a tendance à être plus spontané, alors qu'avec un moteur de recherche où il faut écrire des mots-clés, on est plus dans la réserve et on va vers le plus pertinent ou le plus efficace. Alors il y a évidemment la question de l'enregistrement passif aujourd'hui. Est-ce que les garde-fous sont suffisants, par exemple, pour dire que pour une des enceintes connectées et à table, je dis vraiment, elle est délicieuse cette soupe. D'un seul coup, je vais tout par hasard retrouver un jour dans ma liste de courses ou dans mes suggestions une forme de ciblage qui serait un ciblage un peu involontaire, ou est-ce que là, c'est céder à une forme de paranoïa, Sylvain Perronnet? Alors, moi, je pense pas du tout que ce soit de la paranoïa. En fait, il y a le problème de la personnalisation implicite ou douce, en fait. On n'est pas obligé d'envoyer vos données vers un data center pour créer un profil d'utilisateur, en fait. Donc, on peut processer, calculer, de manière très simple sur un device. C'est encore plus facile sur un smartphone, mais même sur... Pardon, désolé, décidément. Non, mais pas du tout. Donc, sur un enceinte connectée ou téléphone, on peut calculer, par exemple, un vecteur de personnalisation qui serait très simple et qui enverrait, peut-être pas le fait que vous aimez la soupe ou la soupe de telle marque ou la soupe au potiron, mais que vous appréciez certains types de nourriture, etc. Donc, on peut avoir une forme de personnalisation. Hein, c'est ce que veulent faire les moteurs qui comme Quant, par exemple, sont sans tracking. Hein, c'est comment personnaliser sans prendre de la donnée personnelle. Ça peut se faire en partie. Je rappelle que Quant, voilà, c'est un moteur que vous représentez ici et qui est un moteur qui respecte se positionne comme un moteur. Voilà. Et donc, on peut faire une forme de personnalisation douce. C'est-à-dire que ça ne va pas être toute votre donnée qui va être utilisée, mais elle va être utilisée en partie et donc vous risquez de retrouver des informations d'une certaine manière. Clotilde Chevet, sur ces questions, en fait, la question que j'aimerais vous poser pour conclure, c'est quelle est la part d'inquiétude légitime, quelle est la part de paranoïa, comment se prémunir, est-ce que finalement tout ce dont on parle aujourd'hui, ce ne sont pas des inquiétudes qui sont apparues d'une certaine manière à toute forme d'émergence technologique, le téléphone, la télévision, les premiers smartphones. Est-ce que il y a vraiment aujourd'hui un souci? Est-ce qu'on peut paramétrer, par exemple, est-ce que je peux choisir de dire à mon enceinte connectée, bien si quand je te pose des questions sur l'information, tu vas plutôt aller chercher l'information sur France Culture ou sur Radio France que sur d'autres chaînes privées? Ou est-ce qu'on peut d'une certaine manière essayer de canaliser ces choses pour faire en sorte que cette réponse unique nous corresponde le mieux possible et qu'on soit le moins emprisonné par les réglages de l'opérateur ou du constructeur? Alors on peut évidemment paramétrer en décidant ce que l'on veut entendre, d'où viennent nos réponses, mais peut-être que le problème n'est pas dans le paramétrage, mais dans l'impossible découverte d'autre chose, de quelque chose qu'on ne connaît pas, d'une information qui ne nous ressemble pas. Justement, si jamais on voulait découvrir une information, enfin, il n'y a pas d'information neutre, mais en tout cas qu'on ne serait pas allé chercher de nous-mêmes, on l'aura très peu. Non. Parce que ça nous, soit on a paramétré pour savoir ce que l'on cherche, enfin ce que l'on recevra, soit c'est le choix du moteur de recherche. J'entends bien, mais quand j'achète un journal, je paramètre aussi mes choix en fonction du fait que j'achète plutôt l'Humanité ou plutôt le Figaro. Je veux dire, ce qu'on nomme aujourd'hui les bulles informationnelles, elles ont de facto un peu existé de tout temps en fonction du type de média que l'on consomme ou du type d'information qu'on va chercher. Sylvain Perronnet. Alors le danger aujourd'hui, c'est plus l'automatisation, c'est-à-dire que l'effet qu'on a vu sur les réseaux sociaux, notamment avec Facebook par exemple, au moment des élections, ce genre de choses, les moteurs de recherche ensuite et les assistants vocaux derrière, ça va pousser un paroxysme parce que ce sera une réponse unique. Avant c'était quelques réponses qui faisaient une bulle informationnelle, maintenant il n'y a plus qu'une réponse, donc on renforce la bulle informationnelle. Donc le problème c'est l'automatisation en fait du filtrage, c'est pas tant le filtrage en lui-même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la machine va plus loin que l'être humain ne l'aurait voulu. La bulle informationnelle autour d'une réponse unique est renforcée parce que on a les GAFA, Google ou enfin Apple, tout cela qui mettent leur filtre sur cette réponse unique. Parce que quand on va demander l'information, par exemple disons le Figaro, on va avoir une réponse unique, celle qu'aura prévue le Figaro, mais lue avec la voix de l'assistant personnel, et c'est l'information qu'aura choisi aussi l'assistant personnel. Enfin, on a une réponse unique qui est problématique en elle-même et sur laquelle met la main le moteur de recherche. Ce qui est encore plus problématique parce qu'on a une perte d'identité du média et une incapacité à découvrir quoi que ce soit à côté. Il y a énormément de problèmes qui se jouent. Frédéric Landagin. Dans les deux réponses sur le nombre de pays du monde, il y en avait un qui disait sa source. Ça, exactement. Déjà, c'est un apport vraiment important. Ça serait bien que les assistants le fassent à chaque fois. Alors, évidemment, pour une machine, c'est très dur de dire il y a trois réponses qui sont pertinentes. Donc, pourquoi trois et pas quatre ou pas dix, quoi, hein, ou pas même mille, parce qu'une machine, elle peut gérer mille réponses, ça la gêne pas. Nous, oui, mais elle, non. Donc, ce qui serait, enfin, bien, moi, ce que j'attends, c'est que la machine soit capable d'elle-même de dire, bah là, j'ai trois choses qui pourraient bien répondre, je vais vous les dire les trois, et puis on en rediscute. Mais est-ce que c'est exactement ce qu'on attend d'elle? Ça, c'est une autre question. Non, mais pour finir vraiment très rapidement, en deux mots, ça veut dire qu'il faut s'interdire cette technologie aujourd'hui, Sylvain Perronnet? Non, c'est très compliqué. En plus, aller contre le sens du vent, en fait, sur les nouvelles technologies, c'est toujours contre-productif, mais il faut le faire prudemment. Il ne faut pas non plus être timide sur la régulation, parce que les États aussi sont là pour réguler tout ça. On est mieux protégé aujourd'hui en France que dans d'autres pays par rapport à ce type de technologie. On est mieux protégé et on va vers une meilleure protection, parce que c'est quelque chose qui est maintenant bien pris en compte, je pense, par les institutions. Clotilde Chevet. Il ne faut pas se les interdire, mais il faut être conscient de ce que l'on a en face de nous et ne pas compter uniquement sur les entreprises et les accuser de capter toutes nos données. On a quand même signé un contrat disant qu'on acceptait cela, donc il faut se responsabiliser en tant qu'utilisateur et demander une éthique de la part des entreprises, mais pas forcément s'interdire quelque chose qui est pratique. Frédéric Landrage, en un mot. Corpus, moi c'est un mot qui m'a interloqué dans le reportage, c'est que après tout ça, ça fait des enregistrements, mais ça fait aussi des données qui servent aux chercheurs pour avancer dans ce qu'ils font. Alors bon, après il faut faire très attention, il faut rendre les enregistrements anonymes si possible et tout ça, mais ça aide quoi, ça aide la science. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous parler de ces assistants vocaux et de ces enceintes connectées. Merci Sylvain Perronnet, Frédéric Landrage, merci Clotilde Chevet, bon courage pour la suite de vos travaux. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'était Morgane Danan aujourd'hui à la technique. Demain, nous serons le 2 mai 2019, soit 500 ans exactement après la mort de Léonard de Vinci. L'occasion pour nous de laisser un peu la Joconde de côté, de nous intéresser à Léonard de Vinci savant, à ses écrits, à ses apports scientifiques et techniques. De Vinci était-il le génie scientifique que la légende a forgé? Réponse demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.